vous interromps quelques instants pour un rapide flash info. En effet, en la fin du mois d'avril, il y aura un salon du bien-être à Remiremont. Et pour en savoir plus, j'ai Lisa Marie avec moi. Bonjour Lisa Marie. Eh bien bonjour Lou, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous entendre et de parler de cet événement, effectivement. Le plaisir est réciproque. Alors Lisa Marie, dites-moi, qui êtes-vous et dans quelle mesure organisez-vous un ou des salons du bien-être? Alors écoutez, j'ai un parcours qui est assez simple, c'est qu'il y a plus de 25 ans que je suis déjà dans ce monde d'énergie et de bien-être. Et nous organisons en tant que, donc je suis l'organisatrice de salons que j'ai baptisé les métiers du bien-être pour valoriser les professionnels qui sont au salon. Nous organisons 17 salons dans l'année. Par exemple, cette année 2019, nous avons 17 salons répartis en 5 régions, dont le Grand Est que nous allons découvrir cette année 2019. Et le premier salon dans le Grand Est sera à Remiremont le 27 et 28 avril justement. 27 et 28 avril, en effet, retenez cette date. Toutefois, si nous faisons une petite interview, ce n'est pas pour proposer aux gens de venir se rendre au salon. Non, non, non, c'est pour proposer à des exposants, si je ne m'abuse, de proposer leur candidature pour participer. C'est bien ça, Lisa Marie? C'est tout à fait ça. D'autant plus que ce salon qui sera au Palais des Congrès, donc tout le monde doit connaître, place du Champ de Mars, c'est un salon qui peut accepter 70 exposants compte tenu de sa superficie. Nous avons déjà commencé évidemment à avoir des candidatures avec des exposants. On a une base de thérapeutes puisque notre nom est Thérapeute Zen, donc on est parti sur une base de thérapeutes. En général, nous accueillons dans tous nos salons à peu près comme ça 6 secteurs qui sont donc les thérapeutes avec les écoles de formation. On a éventuellement tourisme de santé si toutefois nous avons des organismes de voyage qui proposent des séjours de détox, du yoga, le jeûne, etc. Bon, évidemment, nous avons toujours cosmétiques naturels et beauté, l'alimentation saine, les produits bio, et naturellement tout ce qui touche à l'art de vivre, comme le feng shui, l'artisanat et même le sport. Aujourd'hui, dans le monde du bien-être, il faut aussi faire du sport de façon bien étudié pour le corps, et comme la médecine ayurvédique, le corps, l'âme et l'esprit, et puis aussi un coin librairie avec des auteurs et des éditeurs. Donc en gros, c'est un peu la répartition que l'on accepte dans nos salons, avec différents, évidemment, professionnels dans ces secteurs. Alors, si jamais Lisa Marie a évoqué la discipline qui vous concerne, donc dans tous les cas, le bien-être, c'est quand même très vaste, n'hésitez pas à vous manifester pour vous inscrire. Mais Lisa Marie, dites-moi, comment est-ce qu'on peut s'inscrire pour participer à ce salon? Alors, vous avez raison, c'est une très bonne question. Il y a une réponse qui est très simple aussi. Nous avons un site internet. Ce site est www.thérapeute-zen.com. Et lorsqu'on va sur le site, en pleine page d'accueil, nous avons cliqué sur le formulaire pour s'inscrire. Donc, lorsqu'on est sur la page d'accueil ou que l'on va dans la barre exposant, nous trouvons justement le formulaire à remplir qui est envoyé. Nous recevons immédiatement ce formulaire et nous répondons dans la journée puisque au bureau, nous avons plusieurs personnes qui gèrent le dossier des exposants et qui répondent immédiatement. Donc c'est écrit, pour vous inscrire, cliquez ici. Donc vous avez deux numéros de téléphone. Vous avez le numéro du bureau du lundi au vendredi, dans les heures de bureau, 9h-18h, 09 52 86 25 98, je répète, 09 52 86 25 98, ou mon portable, 06 37 68 82 24. 06 37 68 82 24. Nous avons aussi évidemment la page Facebook, nous avons beaucoup de choses pour pouvoir donner de la communication, mais avec ces éléments, un exposant ne peut pas ne pas trouver, parce que c'est très facile. On va sur le site, on clique pour vous inscrire ici, et c'est très simple. En tous les cas, je vous remercie d'avoir posé cette question, parce qu'un exposant, effectivement, si il a envie de s'inscrire et s'il n'a pas toutes ses coordonnées, ça sera difficile. En effet, ce ne sera pas évident. Et dernière question qui peut peut-être concerner un exposant, s'il écoute peut-être ce flash info un petit peu tardivement, jusqu'à quand a-t-il pour s'inscrire? Alors, la date, on donne jamais vraiment une date limite, parce que dans la mesure des places disponibles dans le salon, jusqu'à une semaine avant la date du salon, on peut s'inscrire. Le salon ayant lieu le 27 et le 28 avril, qui est donc le dernier week-end du mois d'avril, on va dire que s'il reste de la place, dans cette semaine-là, on peut. On conseille toujours aux personnes de s'installer le plus tôt possible, et je vais vous expliquer pourquoi. On essaie de ne pas trop mettre de personnes dans la même discipline, surtout quand ce sont, par exemple, des produits bien spécifiques. Et donc, ce sont les premiers inscrits qui ont les places. Donc, il est toujours conseillé d'aller très très vite dans les inscriptions pour être sûr d'avoir cette exclusivité. Sur d'autres choses, on ne donne pas d'exclusivité, mais sur certains produits, oui. Donc, ne tardez pas, justement, cette information est intéressante pour un exposant. Et s'il est intéressé maintenant, c'est maintenant qu'il faut nous écrire et c'est maintenant qu'il faut le faire. Maintenant qu'il faut passer via votre site www.thérapeute-du6zen.com, n'hésitez pas à tout instant pour le Salon du Bien-être les 27 et 28 avril au Palais des Congrès de Remiremont. Eh bien, on va bientôt s'arrêter là. Pour les auditeurs qui voudront en savoir plus, on se donnera rendez-vous dans quelques temps pour la programmation plus complète. Dans tous les cas, Lisa Marie, merci beaucoup pour vos informations et merci aux auditeurs pour leur attention. Merci beaucoup Lou, et puis ce sera un plaisir de vous accueillir dans notre salon et nous espérons que vous aurez aussi un stand pour être parmi nous et apporter les bonnes ondes et la bonne énergie que vous dégagez. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.